17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi ? La vie comme elle va ? Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. C'est la vie comme elle va. Nous revoilà après quelques petites journées de vacances, n'est-ce pas? Alors, comme Irène n'est point là, figurez-vous qu'elle est aux Indes, la Vénarde. Jean-Pierre m'a envoyé un petit mot et a dit, quand on commence, on dit bonjour. Alors, moi, je suis très obéissante. Je dis bonjour à mes deux Jean-Pierre préférés. Bonjour. Bonjour à tous les éditeurs derrière leur... leur poste. Derrière le, non, je ne sais pas, chez eux peut-être. Oui. Hein, ou dans leur salon, ou dans la cuisine, ou dans la voiture. Voilà. Bonjour Eliane, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Eh bien, on n'est peut-être que deux derrière les micros, mais attention Jean-Pierre, notre Jean-Pierre lecteur, et non pas notre Jean-Pierre musique, nous a concocté trois livres, vous rendez compte? D'abord, le premier livre, ça sera un livre de Guillaume Musso, puis un autre livre d'Elena Ferrante, je pense complètement différent. Il y aura un petit plaisir, alors un dialogue de derrière les fagots que nous a préparé notre Jean-Pierre. Et puis moi, côté polar, eh bien, j'ai trouvé un thriller assez glaçant, à vrai dire. Et ensuite, Jean-Pierre reviendra avec un troisième livre. Mais vous rendez-vous compte, quel effort il fait, ce Jean-Pierre. Et puis, eh bien, nous écouterons la musique de notre autre Jean-Pierre. Puis, nous parlerons un petit peu de certaines sorties. Voilà, une émission concoctée par nous deux, notre petit Jean-Pierre. Nous trois, plutôt, voulais-je dire. Eh bien, j'espère que vous serez contents. À toi, mon petit Jean-Pierre. Oh, avant, je voulais vous dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Figure-toi que, oui, Irène m'a envoyé un petit message et elle m'a dit qu'elle était... Bon, il faisait très, très chaud là-bas. Mais qu'elle faisait des massages ayurvédiques. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr. J'ai vérifié. Alors, figurez-vous que ce sont des massages qui découle d'une médecine fondée sur la philosophie indienne qui vise à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre l'individu et son environnement. Oh, tu te rends compte, elle va nous revenir complètement transformée, la Irène. Voilà. Et puis, souvenez-vous, le mercredi 2 octobre, Irène avait un coup de cœur pour le livre de Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Mais quel visionnaire cette Irène, puisqu'il a eu le prix Goncourt. Mais je vais arrêter de parler. Tu nous mets une musique avant, Jean-Pierre, ou pas? Non, donc, je passe la parole à mon Jean-Pierre, qui est près de moi, pour parler du premier livre qu'il a lu pour vous. Alors l'usage ici, hein, c'est qu'on présente à l'antenne un livre coup de cœur. Un ouvrage qui nous a particulièrement plu, ben aujourd'hui je déroge, donc comme tu le disais, je vous en présente trois qui sont pas franchement des coups de cœur, qui peuvent intéresser les gens néanmoins, qui sont de bons livres, et je vais vous les présenter chacun quand même de manière un petit peu plus succincte que quand j'en ai un seul au programme. Ah, c'est bien. Alors le premier, c'est un Guillaume Musso, comme tu le disais, et j'ai peur que les gens qui nous écoutent disent « encore un ». Mais quand on aime, on aime. Hein. Voilà, c'est quand on aime, on compte pas, comme tu le dis. Et comme je veux quand même pas déplaire aux gens, hein, je vais alléger un petit peu le propos. Et là, il s'agit donc de l'instant présent. Je ne l'ai pas promu au rang suprême du coup de cœur à cause, pas à cause de quelque chose que vous découvrirez bien vous-même si vous décidez de le lire. Pourtant, je me suis laissé prendre encore une fois à la mécanique bien huilée de cet auteur, mécanique qui est si bien réglée qu'elle risque de finir par ronronner. Ah ! J'ai peur. J'ai repris mon livre dès que j'avais un instant, parce que je voulais savoir comment il allait s'en sortir. Qui allait s'en sortir ? Qui ? Musso ? Non, son héros. Ou Arthur, le héros ? Oh, Arthur, j'imagine. Bah, les deux. Ah. Bah, Musso est très américain du Nord dans ses décors, hein, c'est une constante. New York, c'est son précaré. Là, ça commence dans un phare désaffecté au nord de Boston, quelque part par là, je ne connais pas bien la région, dans une contrée déserte battue par l'océan Atlantique. Un héritage bizarre, légué par un père antipathique. Et je vais vous lire les premières lignes de l'ouvrage, qui sont là en guise de prologue. « N'aie pas peur, Arthur, saute !» Je te rattrape au vol. Tu es sûr, papa? J'ai 5 ans, les jambes dans le vide. Je suis assis sur le plus haut matelas du lit superposé que je partage avec mon frère. Les bras ouverts, mon père me regarde d'un air bienveillant. Vas-y, mon grand. Mais j'ai peur. Je te rattrape, je t'ai dit. Tu fais confiance à ton père, hein, mon grand? Ben oui, alors saute, champion. Pendant quelques secondes encore, je dodeline de ma tête ronde. Puis, avec un large sourire, je m'élance dans les airs, prêt à m'accrocher au cou de l'homme que j'aime le plus au monde. Mais au dernier instant, mon père, Frank Costello, recule volontairement d'un pas. C'est pas vrai. Et je m'étale de tout mon long. Oh ! Ma mâchoire et mon crâne heurtent douloureusement le parquet. Sonné, il me faut un moment pour me relever. J'ai la tête qui tourne et l'os de la pommette enfoncée. Avant que je fonde en larmes, mon père m'assène une leçon que je n'oublierai jamais. Dans la vie, tu ne dois faire confiance à personne. À ce point-là ? Tu comprends, Arthur ? Je le regarde terrifié. À personne, répète-t-il, avec un mélange de tristesse et de fureur contre lui-même. Pas même à ton propre père. Waouh ! Mais dis donc, charmant homme, hein ? C'est donc un climat un peu angoissant qui démarre le livre, et une curieuse malédiction brise la vie d'Arthur. Il ne va vivre qu'une journée par an. Il disparaît à la fin de la journée, dans un malaise physique bien établi, toujours le même, et se réveille, un an plus tard, plus ou moins quelques mois, dans des situations les plus invraisemblables. Ce peut être dans la rue, sur le trottoir à côté d'un clochard, ou dans un salon de coiffure. D'ailleurs, on se demande toujours, ça va être quoi la prochaine fois ? Au cours d'une de ces journées annuelles, il rencontre quand même Elisa, une jeune femme qui lui plaît bien, qui, avec son grand-père, le grand-père d'Arthur, ce seront les deux personnes sur lesquelles il pourra s'appuyer. Si c'est votre premier Musso, vous serez certainement séduit ou séduite. Si, comme moi, vous les collectionnez, vous trouverez un petit goût amer de passage à niveau où un Musso peut en cacher un autre. D'accord. Mais enfin, quand même, les gens qui ne connaissent pas Musso ne seront pas déçus. Non. Non. Et puis même ceux qui le connaissent un peu, on peut le lire quand même ? Ah oui, bien sûr qu'on peut le lire, mais à force d'en lire, on commence à connaître toujours un petit peu les... Très bien. Très bien. Les petites combines. D'accord. Donc c'est ce conseillé, légèrement conseillé, par Jean-Pierre. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM L'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est pas vraiment cool ce que tu fais. Tu joues dans mon dos et tu le sais. Même ton numéro est masqué. Ce qui fait toujours me demander quel est ton rôle, maman, dis-moi qui t'es. Chaque fois tu mens, tu te fais acquitter. T'es plus la même, non la même que t'étais. Tu disais je t'aime, mais là tu veux me quitter. Je t'aime et là tu veux me quitter. Tu disais je t'aime et là tu veux me quitter. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe tant qu'il fait chaud. De que l'amour m'a quitté. Je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe quand il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Au revoir. C'est même pas la peine que tu viennes ici. Je t'ai laissé le vide et les clés aussi. Tu veux revenir, ce sera pas possible. J'ai besoin d'oxygène et tu m'asphyxies. T'as beau me texter mais ça sert à rien. J'aime ce que t'étais parce que tu deviens. J'ai bien pensé, plus jamais je reviens. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Eh, oh. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Eh, oh. Je t'ai pardonné mais dans le fond je retiens. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe qu'il fait chaud. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe qu'il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux partir. Peu importe qu'il fait chaud. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Je veux m'en aller, je veux partir. Peu importe qu'il fait chaud, yeah. Depuis que l'amour m'a quitté, je cherche à lui faire la peau. Alors Jean-Pierre, après Guillaume Musso et le livre qui se nomme « L'instant présent », tu nous emmènes voir une amie prodigieuse. Ce livre est écrit par Elena Ferrante. C'est Elena, une Italienne ? Elena Ferrante. Oui, c'est une Italienne ? Une Italienne. D'accord. C'est un pseudo, Elena Ferrante. D'accord. Cet auteur rejette apparemment toute célébrité potentielle. Très bien. Et l'ami prodigieux, c'est le premier tome d'une saga de 4 volumes. Moi, je n'irai pas plus loin que le premier roman, parce que c'est un livre que j'ai trouvé assez difficile à lire. Ah. C'est bien écrit, c'est dans une traduction impeccable, c'est soigné, mais c'est un style que j'ai trouvé un petit peu lent. Alors c'est peut-être voulu, hein, parce que c'est un témoignage intéressant sur une période de 1950, dans le sud de l'Italie. On est dans la banlieue de Naples, et c'est la vie d'un quartier pauvre. Alors peut-être que c'est voulu que ça soit lent, hein, parce que la vie dans ce quartier pauvre, elle n'est pas... Oui. Elle n'est pas folichonne, hein. faut y trouver sa place, des raisons de vouloir vivre néanmoins. Et l'ambiance, qui est sans doute bien rendue, m'a pesé un peu. Alors, les personnages sont nombreux, hein. On s'installe, on le voit, pour une longue aventure, comme dans toutes les sagas. Un index des personnages en ouverture d'ouvrage peut s'avérer très utile. Elena Greco, une des héroïnes a le même prénom que l'auteur, que le pseudo de l'auteur. Elena Greco, c'est une petite fille, 8, 9, 10 ans, plutôt sage. Elle est une élève appliquée à l'école élémentaire. Et si elle n'est pas la première, sa mère la retirera des études qui ne servent à rien à ses yeux. Il y a tant à faire à la maison. C'est plutôt son père qui a la profession très modeste de portier à la mairie qui veut qu'elle aille à l'école. Mais c'est difficile d'être la première à l'école parce qu'il y a Lila. l'ami prodigieuse. Quelque part entre peste et surdoué, intelligence redoutable dans un physique ingrat. Alors qu'Elena, elle est plutôt petite fille jolie. Un physique ingrat pour la copine, donc. Et sans jamais rien apprendre, cette Lila sait tout. À 3 ans, elle lit, alors que personne ne l'a initiée. Alors forcément, l'institutrice la prend en modèle. Oui. Au détriment un petit peu d'Elena qui, elle, bosse pour obtenir ce que sa mère veut, parce qu'elle veut surtout continuer à aller à l'école. Le père de Lila, c'est Fernando Cerullo. Il est cordonnier, il est de ces artisans dont le savoir-faire est méconnu. Il se contente de réparer les chaussures éculées de ses pauvres clients et il rêve de fabriquer la chaussure parfaite, mais que personne du quartier ne pourrait alors lui acheter. De plus, la fameuse chaussure italienne industrielle est en route. Ah oui, c'est sûr. Donc Fernando Cerullo n'arrive pas à réaliser son rêve. On va trouver Don Achille, patriarche de la famille Caracci. Il est la terreur du quartier. Il circule beaucoup d'histoires à son sujet. On a les familles Peluso, Capuccio, Saratore, Scano, Scolara, Spanuello. Je ne sais pas si mon accent est bon, j'essaie de chanter un peu. Mais ça chante, c'est bien, c'est bien. Tout ce petit monde, artisans, ouvriers, chômeurs, et de conditions modestes, en lisière de misère, quand ce n'est pas celle-ci complètement, à part peut-être le pharmacien. Ah. Les rivalités, les histoires de cœur, pour ne pas viser plus bas, les envies, les déceptions, tout ce qu'un petit monde a finalement d'identique avec les plus riches, si ce n'est l'absence de moyens financiers, qui souvent arrondit, hein, quand ils existent, arrondissent bien les angles. Sur une série a été tournée sur ce livre et les suivants. Il y a déjà quelques années, c'est sorti sur Canal+. Je ne sais pas si elle est sortie en clair sur une autre chaîne, ça je n'en sais rien du tout. Et le livre commence par un prologue de quelques pages et qui nous indique que Raffaella, alias Lila, a disparu à 68 ans. Ça commence par sa disparition à 68 ans, donc de nos jours. Et entre l'âge de la primaire et la fugue, ben, il y a toute une vie et ben, il y a la saga. Alors, c'est un livre, je pense, qui peut intéresser plein de gens. Et parce que quand elle a disparu, c'est qu'elle a fugué à 68 ans. On ne sait pas. Oui, ah. On pense qu'elle a voulu. Oui. On suppose qu'elle a emmené toutes ses affaires. Elle a rompu avec, avec toute cette histoire. Mais pourquoi? Moi-même, je ne le sais pas. Il faut peut-être lire la suite. Hein. Sûrement. C'est bien écrit. On peut aimer ce genre. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai décidé néanmoins de le présenter. Oui, parce que je comprends bien, parce que les gens, il y a des gens qui aiment beaucoup les sagas. Oui. Et surtout que là, si ça commence et puis qu'après, ça va jusqu'à l'explication de cette fugue. Je pense que oui. D'après le titre des livres suivants, après il y a les héroïnes jeunes filles, etc., etc. Donc c'est l'amie prodigieuse. D'Elena Ferrante. Voilà. Eh bien, merci Jean-Pierre. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. You, since the first time I saw you, it was still the end. Doesn't matter too much if I really can't touch you. You, since the first time I loved you, it made me feel so glad. But don't leave me alone, you'll be part of my songs. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, it makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah. Makes me feel alright. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Since the first time I held you, it drove me simply mad. Please get out of my dreams, cause you're under my skin. And you, since the first time I felt you, it was deep inside me. So believe me, my love, you'll be part of my song. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, it makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. When I used to kiss your baby, all around there was nothing. I don't care if it sounds like the same old love song, cause I feel it. And in the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel it right now. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel it right. It makes me feel it right now. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Little girl of mine. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, me die, make me feel really right. La vie comme elle va, pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir. Allez, un peu de légèreté pour notre plus grand plaisir. Nous allons retrouver notre duo de choc, Eliane et James, qui vont se retrouver la main dans la poche. Non, la main, la poche et la main. Oui, oui. Extrait des Diablogues de Roland Dubillard. Ah, ce que vous en avez des noix, dites donc. Plein ma poche. Eh ben, jamais on n'arrivera à manger tout ça. C'est qu'elle est grande, votre poche. C'est une poche à soufflet. Vous vous habillez pratique. Votre tailleur, c'est qui? Je m'habille toujours chez Marron. Ah. Parce que pour le complet, c'est la couleur que je préfère. Mmh. On peut se rouler dans n'importe quoi. Personne n'y voit rien. Mais il n'y a que le complet qui soit de chez Marron. Les poches, je les fais toujours poser après par un spécialiste. Vous voyez, une poche pour chaque chose. Il n'y en a pas une pareille. Une poche pour la main droite, une poche pour la main gauche. Et pour y mettre la main droite dans la poche de la main gauche, faut pas y penser, on n'y arrive pas. Ben forcément, faudrait que vous vous tordiez en spirale. Ou alors que vous vous mettiez à l'envers dans votre pantalon. Vous voulez rire? Même en me mettant à l'envers dans mon pantalon, ma main droite n'entrerait pas dans ma poche gauche. C'est comme si vous vouliez y mettre une orange, elle n'y tiendrait pas. C'est des poches sur mesure. À l'intérieur, c'est fait comme des gants. Et alors? Eh ben, c'est comme si je voulais mettre ma main droite dans un gant gauche, c'est pas possible. Ben pourquoi? Vous n'avez pas les deux mains faites pareil. Et comment, j'ai pas les deux mains faites pareil? Elles sont aussi pareilles que les vôtres, mes mains. Regardez, si on ne les voyait pas ensemble, on les prendrait l'une pour l'autre tellement elles se ressemblent. Si elles se ressemblent tant que ça, elles pourraient entrer dans le même gant. Oui, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Montrez-moi voir les vôtres. Ah ben moi, c'est pas pareil. J'ai des poches ordinaires, des poches de chez Poche, où on peut mettre n'importe quoi. Ça ne me gênerait pas si mes deux mains n'étaient pas tout à fait semblables. Je pourrais mettre mon pantalon à l'envers tout de même. Ben, vous voyez, ça trompe les mains. On a l'impression comme ça qu'elles se ressemblent, et même on serait embêté s'il fallait dire ce qu'elles ont de différent, et puis... Et puis ce qu'elles ont de différent surtout, la main droite et la main gauche, c'est qu'elles ne sont pas situées au même endroit. Ah ben ça c'est vrai! Mais il y a autre chose, c'est qu'en réalité elles font semblant de se ressembler, regardez bien. Oui, vous avez raison, elles font semblant. Mais laquelle des deux croyez-vous qui imite l'autre? C'est pas... Ça doit être la plus jeune qui imite la plus vieille. Pas possible. Moi, mes deux mains, elles ont le même âge. Et quel âge elles ont? Bah, le même âge que moi. En tout cas, vos mains, elles sont comme les miennes, elles s'imitent très mal. Ah oui, ce serait plutôt le contraire d'une imitation, parce que plus je les regarde, plus je trouve qu'elles sont différentes, au point qu'il n'y a rien de plus différent de ma main droite que ma main gauche. C'est bien simple, entre les deux, il n'y a que des différences. C'est même une réussite d'arriver à être dissemblable à ce point-là. Vous croyez qu'elles l'ont fait exprès? Sûrement. Il y a une main qui s'est dit « Faut pas que je sois comme l'autre main » et elle a pris exactement le contre-pied. Ah oui, ah, c'est drôle. Comme moyen d'arriver à se ressembler, c'est pas banal ça. Comme quoi il n'y a rien qui ressemble à une chose que le contraire de cette chose. Oui, c'est riche d'enseignements d'être biman. On n'a qu'à regarder ses deux mains pour se rendre compte que l'esprit de contradiction est tout de même capable d'obtenir de beaux résultats. Tiens, tenez, votre main droite, eh bien, elle ressemble bien plus à ma main droite que ma main gauche. C'est pour ça qu'il faut être deux pour se serrer la main. Vos deux mains toutes seules, elles n'auraient jamais l'idée de se serrer la main. Ah ben, elles pourraient pas, regardez. Elles ne vont pas ensemble. Elles n'entrent pas l'une dans l'autre. Et c'est encore un enseignement, ça. Le bon Dieu, s'il avait voulu nous faire comprendre qu'il faut se serrer la main les uns les autres, il ne s'y serait pas pris autrement. Parce que je ne sais pas si ça vous fait comme à moi, mais moi, rien que d'avoir essayé de me donner une poignée de main... Eh ben, ça me donne des envies de main droite dans ma main droite. Bah, tenez, voilà la mienne. Bonjour, comment ça va? Ah, pas mal, et vous? Oui, bon, c'est un peu bête de se dire ça comme ça. Ah bah, c'est un réflexe. Ça doit être comme ça que la vie sociale a pris naissance chez les hommes. Comme ils ne pouvaient pas se serrer la main chacun tout seul dans son coin, ils ont eu l'idée de se serrer la main entre eux. Alors, fatalement, ils se sont dit, bonjour, comment ça va? À partir de ce moment-là, ils se sont mis à causer. La glace était rompue. Et ça, ce n'était possible que pour le genre humain, justement, parce qu'il fallait au moins avoir deux mains. Ce que n'avaient pas les éléphants, par exemple, qui sont tellement intelligents par ailleurs. Ah ouais, mais les éléphants, il y a un facteur qui joue. C'est la trompe. Oui. Et il ne fallait pas non plus en avoir plus de deux des mains. Parce que regardez les singes qui en ont quatre. Eh bien, rien ne les empêche de se serrer la main droite tout seul avec l'autre main droite, la main droite du pied. Résultat, les singes sont restés des singes et pour la vie sociale, ils lui ont dit adieu. Tandis que nous, on n'est pas restés des singes vu qu'on avait des pieds. Comment on avait des pieds? Mais mon cher, on les a toujours. Jetez un coup d'œil par terre, ils sont là. Eh oui, solides au poste dans leurs chaussures. Ouais, sacrifiés dans un sens, car ça ne doit pas être bien drôle l'existence du pied. Le soulier comme confort, on a beau faire, ça ne vaut pas le gant, ça ne vaut pas la poche. Pauvre pied, qu'on ne met jamais dans cette poche, qui ne se sert jamais entre eux, comme ils sont loin de nous. Rien de moi n'est plus loin de moi que mes pieds. Oh, quelle tristesse dans leur exil. Et pourtant, c'est sur eux que repose le genre humain. C'est à eux que nous devons d'être mieux que des singes. Et c'est parce que nos pieds sont captifs que nous avons les mains libres. Et la tête libre. Car finalement, les singes, qui paraissent plus doués que nous pour un tel exercice, ce n'est pas eux qui jouent du piano à quatre mains, hein, c'est nous. Tout de même, il faudra que je demande à mon spécialiste s'il ne pourrait pas me faire des poches à pieds dans mon complet marron. Non, il ne faut pas les habituer à la paresse, les pieds. Qui se promène les pieds dans ses poches, il arrive qu'il croit marcher encore, cependant que déjà, et sans que rien ne l'avertisse, il rampe. Quoi? C'est un dicton du folklore Kudjat. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en ce qui concerne les noix, on ne mourra pas de faim. Ma poche à noix, on ne pourrait plus y loger une noisette tellement elle est pleine. Vous en avez des poches. Et encore, il y en a que vous ne voyez pas. Il y en a des secrets. J'ai quelque part par là une poche à cœur, par exemple. Oh, vous avez des cœurs dedans? En ce moment, j'en ai pas beaucoup. Je n'arrive plus à en trouver. Je n'ai qu'un cœur dans ma poche à cœur, mais il faut dire qu'il est plutôt lourd. C'est le cœur à qui? C'est le cœur à moi. Et ça, c'est une poche à quoi? C'est une poche à poche. Ah. C'est là que je range les poches dont je ne me sers pas. Et qu'est-ce que vous avez encore comme poche secrète? La grande. La grande? La grande poche. La poche à moi, la poche à vous, la poche à nous, quoi. Oh, si elle était si grande que ça, cette poche, bah, on devrait la voir. C'est que vous ne regardez pas où il faut. Bah, où était cette grande poche? Je ne sais pas où elle est, mais nous, on est dedans. La vie, comme elle va. Je me suis levé un bon matin, j'ai pris mon courage à deux mains, avec le goût de faire différent, le goût de quelque chose de grand. Je me suis jasé à moi-même, dans le miroir j'étais blême. Je suis dit c'est aujourd'hui que ça change, c'est moi qui fais ma chance. Je me suis redressé les manches, donné un bon coup de pied au cul, et j'ai sorti les vidanges, tout ce que je voulais plus. Tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. J'ai coupé ma barbe qui me descendait aux genoux, et j'ai peigné mon panache dans le style d'un caribou. J'ai ramassé mes guenilles et fait mon baluchon, et j'ai brisé mon cocon comme si j'étais un papillon. J'ai sauté en bas du nid pour sentir à nouveau la vie couler dans les veines pour te conquérir, ma reine. Tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. Tu me donnes le goût de faire des miracles, de faire des miracles. Même la cause la plus perdue n'est jamais perdue tant qu'on y croit. Ça dépend de quelle façon la vie on voit. Qu'il y a de la vie, tout est possible. Il n'est pas trop tard pour changer l'issue de notre sort. Faire des miracles. Tu me donnes le goût de faire des miracles. De faire des miracles. Tu me donnes le goût de faire des miracles. De faire des miracles. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Eh oui, côté polar. Je vous emmène dans le livre de Vincent Ortis qui s'appelle « Pour seul refuge ». Alors, Vincent Ortis, c'est son premier livre, Avant, il a fait des jeux, il a fait des pièces de théâtre, il participe à l'élaboration de plusieurs scénarios. Il a écrit pour Seul Refuge et il a eu le Grand Prix des Enquêteurs 2019. Il faut vous dire que c'est assez réussi. Je vous lis un tout petit bout du préambule. Elle avait encore 167 pas à vivre, des pas de petite fille. Elle cheminait sur Yellowstone River Road, hypnotisée par l'écran vert de sa Game Boy. Alors elle explique qu'elle vient d'Italie, de la Toscane, et que là, son père n'a plus de travail, donc elle est revenue ici. Le sentier qui serpentait jusqu'au bord de la Yellowstone attira son attention, mais elle décida par prudence de longer le parc sans y pénétrer. Et là, elle réussit sur sa Game Boy. Waouh, une vie supplémentaire! Elle apprécia ce chant de victoire à sa juste valeur et le laissa se manifester une seconde fois. Le son guilleret porté par la brise se dilua entre les arbustes du parc. Étendu sur la terre humide, le prédateur qui somnolait perçut les notes aigrelettes. Il était torse nu, la poitrine boursouflée de cicatrices. Son dos aussi était zébré de balafres. Tel un chien de chasse, il dressa l'oreille, puis se leva, allongeant le cou. Il balança la tête pour capter la direction de la musique. Elle était proche. Il se coula entre les troncs. Les branches basses semblaient s'éloigner de son corps. Il n'en effleura aucune. Il renifla en retroussant les narines. Des effluves sucrées lui parvinrent, des essences fraîches et printanières. La piste le mena sur le sentier parallèle à la route. Absorbé à la recherche de sa proie, il s'écorcha à des ronces. Irrité, il glissa son museau sale entre deux épineux. À quelques mètres, tête baissée, la petite femelle se tenait devant lui, son jean moulant ses formes juvéniles. Il ressentit une envie animale. Elle avait encore 172 pas à vivre et 14 minutes. 112 pas très courts, 14 minutes très longues. Ça vous donne tout de suite l'ambiance du livre, n'est-ce pas? Alors après, nous allons découvrir Ted Cortino, qui conduisait... Il bravait la nationale qui traverse d'est en ouest le Montana. Ça relevait vraiment de la pure démence, ou au moins d'une bonne part d'inconscience. De fait, le conducteur du Cherokee n'avait plus croisé de véhicule depuis près de 2 heures. Alors il pensait à Thelma, qu'il avait tant aimée. La nuit allait être longue. Et puis... L'habitacle sentait l'humidité. Ted avait les doigts sur la molette du chauffage quand les phares du 4x4 accrochèrent une voiture arrêtée au bord de la route avec ses feux de détresse clignotants. La portière avait, avant du véhicule s'ouvrir, et un homme bondit sur la chaussée en faisant de grands gestes désordonnés. Ted freina. Courbé sous l'averse, l'inconnu se précipita vers le Cherokee et se réfugia à l'intérieur. Un bruit de métal écrasé lui fit relever les fesses. « Ma canette de coca !» dit Ted. « Excusez-moi !» répondit l'inconnu en lui rendant sa canette cabossée. Ted la rangea dans le vide-poche de la portière. « Quelle chance que vous soyez passé !» Ted le dévisagea. L'habitacle était sombre, mais les warnings éclairaient de façon sporadique le visage d'un homme autour de la cinquantaine, au très régulier. Il portait un manteau clair, inadapté pour la montagne. « Je suis en panne. Une voiture neuve, une Lincoln Navigator, vous vous rendez compte? Elle est tombée en rade, elle a toussé au côté, puis plus rien. »« L'essence? Non, j'ai fait le plein il n'y a pas 3 heures et j'ai un jerrycan en plus. Non, je suis plutôt du genre prudent. »« Pas assez la première vue. Vous pourriez jeter un œil ?» Et en fin de compte, en discussion, il lui propose de l'emmener, n'est-ce pas? « Je vous héberge pour la nuit. » Pas dans mes habitudes, bien sûr, mais vu la situation. Demain matin, je vous descends en ville. Vous trouverez un dépanneur, un taxi, mais le téléphone si vous voulez. Bah, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de village entre ici et Missoula. Fallait tomber en panne en Floride. Hein. Pardon, je ne me suis pas présenté. Donc cet homme, c'est un juge qui s'appelle Edward McCarthy. Il est juge à Helena. Et il doit s'occuper de son fils Ben, qui est accusé d'avoir transporté de la drogue. Alors Ted va emmener Edward dans une cabane de bûcheron. Sinistre petit cube noir sur la blancheur immaculée des montagnes. Il s'est endormi parce qu'il était fatigué et Edouard, quand il s'est réveillé, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce que cet homme lui avait bien dit qu'il allait l'emmener, le réveiller, l'emmener quelque part pour qu'il puisse s'occuper de son fils. Mais ce qu'il voit, c'est pas du tout ça. Que comptez-vous faire ? Les scénarios se bousculaient dans son cerveau. Quand vous m'avez offert de me dépanner hier soir, vous saviez qu'il allait neiger et qu'il vous serait impossible de tenir votre engagement. Est-ce exact ? Ted, qui se dirigeait vers la petite pièce, se retourna, un sourire triste aux lèvres. Ça se pourrait. Édouard recula d'un pas. Cet aveu alarmant le fit hésiter. Pourquoi c'est un enlèvement ? Personne ne vous a obligé de monter dans ma voiture. Vous êtes retenu par le mauvais temps, j'y suis pour rien. Mais vous quoi, vous êtes un pervers, un serial killer ? Pervers, on l'est tous un peu, mais pas au sens où vous le sous-entendez. Rassurez-vous, croyez-moi, je ne vous ferai aucun mal. Votre calme est sidérant. Vous annoncez cette retraite forcée comme la chose la plus naturelle du monde. Ted haussa les épaules et disparut dans la pièce du fond en l'apostrophant. Détendez-vous, je vais m'occuper des canalisations. Vous n'avez pas envie de prendre une bonne douche ? Et c'est là que commence. Il va le garder parce que la route est absolument impraticable. Et même pas la peine d'essayer de mettre la voiture en marche, c'est pas possible. Alors certains, on comprend bien que là, il y a quelque chose qui se passe, surtout que Ted, c'est un ancien policier. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il pris Edouard ? En plus, il y a certains paragraphes écrits en écriture cursive, penchés, qui sont assez effrayants. Quelqu'un est enfermé, attaché. Il a des vivres, une lampe avec des piles. Mais que lui voulait celui qui l'a mis ici ? Qu'est-ce qu'il lui avait fait ? Alors, la grande partie de ce livre se passe entre Ted et Edouard, parce qu'Edouard, il va quand même réagir, il va essayer de l'endormir et tout ça, mais rien ne passe comme il voudrait. Jusqu'à ce que l'on comprenne ce que veut Ted. C'est ahurissant. Son plan est diabolique, parce que on apprend petit à petit que Edouard, le juge, a condamné un jeune homme qui avait fait des viols, qui avait scalpé, enfin qui était très charmant, n'est-ce pas ? Mais pas exactement comme il aurait dû le faire. Alors chacun, maintenant, Ted lui dit, parce qu'on comprend bien que l'homme qui a été accusé et condamné par le juge, c'est celui qui est enfermé là, quelque part. Chacun, donc cet homme, plus le juge, a en mémoire la moitié des informations qui pourraient les sauver. Parce que Ted va les lâcher dans la nature. S'ils veulent survivre, ils devront s'entraider. Sinon, c'est la mort dans ces montagnes. Pendant ce temps-là, la voiture d'Edouard a été retrouvée. Une enquête commence. Où est le juge ? Son fils Ben est-il innocent, comme les policiers commencent à le comprendre ? Ce livre, où la plus terrible prison est celle qui n'a pas de mur, et où la folie est envahissante, vous tiendra en haleine jusqu'au bout, vraiment. Seul petit bémol, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, la première partie, c'est-à-dire entre Ted et Edouard dans ce chalet sinistre, est beaucoup plus longue que celle où les deux hommes, le juge et le violeur, sont face à leur destin. Parce que leur histoire est tellement haletante. Vous vous rendez compte ? Ted et Edouard, on va les rencontrer jusqu'à la page 195. Mais il est vrai qu'il y a tellement, tellement de choses à comprendre entre ces deux hommes qu'il faut bien tout ce temps. Mais en tout cas, lorsque vous serez dans la montagne, comme ont été le juge et le violeur, eh bien vous aurez vraiment très très froid. Lisez ce livre et allez jusqu'au bout. Donc il s'appelle « Pour seul refuge » de Vincent Ortiz. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voilà le troisième livre de Jean-Pierre. Mais quel super lecteur tu as fait, Jean-Pierre, cette semaine. Donc c'est Laurent Binet, Civilisation. Oui. Et alors ? Ça s'écrit avec un Z ? Oui. Oh là là, raconte. Alors, oui, 1492, vous avez toute cette date-là dans la tête, hein, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Oui. En fait, il découvre rien du tout, Christophe Colomb. Il y a belle lurette que d'autres ont mis le pied sur le continent. Un peu comme si moi, que je suis allé il y a 15 jours à Perpignan pour la première fois, je disais, c'est moi qui ai découvert Perpignan. Sous la pluie, en plus. Mais la vieille Europe se prend pour le nombril du monde. La civilisation, c'est elle, les autres sont des sauvages à évangéliser. Et non, la vieille Europe n'a pas inventé la poudre. Laurent Binet, il obtient le prix de l'Académie française pour ce faire, décide qu'il en sera autrement. Mmh. Une idée qui renverse l'histoire. D'abord, les Vikings débarquent en Amérique. Ah bon ? C'est pas si inventé que ça, ils sont allés jusqu'au Groenland hein, quand même. Hein. Les Incas se sont alors immunisés contre les maladies infectieuses. Si bien qu'à l'arrivée de la Pinta, de la Nina et de la Santa Maria, Colomb et ses amis se sont fait recevoir et ils échouent. C'est les Incas qui gagnent. Mais les Incas sont des hommes, alors Huescar et Atahualpa, les deux frères adorateurs du soleil, bah, se font la guerre pour le pouvoir. Mm-hmm. Battu, Atahualpa s'enfuit avec ses hommes à bord du dernier bateau que les conquistadors ont laissé quand ils sont échappés, ceux qui ont pu. Atahualpa épouse, en passant, une princesse cubaine. Ils font escale à Cuba. Et il épouse Higuena Mota, une princesse qui pourrait être sa mère, mais qui a côtoyé, elle, les conquistadors, et qui parle espagnol. Donc elle va jouer un rôle important auprès d'Atahualpa et lui servir souvent d'ambassadrice. Ils sont poussés par des vents favorables, parce qu'ils sont pas très doués, les Incas, pour piloter une caravelle. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Mais les vents ne soufflent-ils pas de l'ouest hein. Atahualpa et ses hommes débarquent un beau matin à Lisbonne, puis dans l'Espagne de l'Inquisition. Ils sont une centaine à peine. Hein. Dans l'Espagne de l'Inquisition, où l'on fait cuire tout ce qui ne pense pas droit. Hein. C'est clair, c'est net, on discute pas. Alors, qu'ils sont étranges, ces tondus, vêtus de bure, et qui marchent nu-pieds dans ces drôles de chaussures, si mal habillés pour habiter d'aussi grandioses bâtiments. Et ce sont les adorateurs du dieu local. Comment mettre en place le culte du soleil face à ces croyants à l'esprit étroit qui vénèrent un dieu cloué? Il s'allie donc tous à tous les persécutés. Les persécutés de toute l'Espagne viennent renforcer les rangs. Alors on trouve les Morisques, les Juifs. Et il faut se créer une dynastie. Alors ils vont épouser des reines, des princesses. Alors Atahualpa, par un mécanisme assez bizarre, arrive à lire Machiavel. Et il en fait bon profit. Et ben voilà. On est en Europe, les conflits sont tous azimuts, et Atahualpa va exploiter tous ces conflits. Notamment, il va pour lutter contre Charles Quint, il va se mettre bien avec François Ier. Il meurt pas, Atahualpa? Ah non, il meurt jamais. Ah non, il meurt pas. Ah, il continue sa conquête. Et alors, protestants et catholiques qui sont en guerre aussi l'un contre l'autre, les uns contre les autres, vont avoir à se mesurer à l'adoration du soleil. Quelle revanche sur Cortés, hein, héros tristement célèbre de la conquête du monde. Calé en retard sur les Amérindiens, notre vieille Europe. Alors, les Quiténiens de Quito colonisent peu à peu les Levantins. Des personnages réels, mais au destin bouleversé par la volonté d'un homme de plume. Ah oui. Pas un Indien, un homme de plume. Oui, j'ai bien compris. celui qui écrit l'histoire. La littérature a, quelquefois quelque chose de magique. Ah oui. Alors, je vais vous lire... C'est intéressant quand même. Oui, je vais vous lire petit passage. Quelle histoire. Arrivé de Paris, où il était parti étudier, un tondu avait demandé audience à Charles Quint, pour l'entretenir du meilleur moyen de contrecarrer l'influence grandissante de Luther. La situation nouvelle engendrée par l'éruption d'Atahualpa modifiait quelque peu les priorités politiques. Cependant, il n'en demeurait pas moins urgent aux yeux des représentants de la religion locale, dont le roi d'Espagne se voulait le fervent défenseur, de combattre ces rebelles réformateurs. Atahualpa écouta avec intérêt les explications du tondu qui avait pour nom Inigo López de Loyola. C'était un petit homme au regard vif dans l'œil duquel se mêlaient la ruse et la bonté, qui aimait parler de ses croyances et qui avait le goût du discours clair, si bien que les Quinténiens tirèrent profit de ses propos pour accroître leur connaissance des légendes du Nouveau Monde. Les Levantins croyaient en une famille de dieux composée d'un père, d'une mère et de leur fils. Le père vivait dans le ciel et avait envoyé son fils sur la terre pour sauver les hommes, mais après de multiples aventures et une suite de malentendus, il l'avait laissé se faire clouer sur une croix par les hommes qu'il était venu aider et qui ne l'avaient pas reconnu. Puis le fils était revenu du monde souterrain et avait rejoint son père au ciel. Depuis ce jour, dessillés et mortifiés par leur erreur, les Levantins attendaient et espéraient le retour du Fils sur terre. En même temps, ils ne cessaient de prier et de vénérer la mère, qui avait la particularité étrange d'être restée pucelle lorsque le Père l'avait fécondée. Il existait aussi une divinité secondaire qu'ils appelaient le Saint-Esprit et qui se confondait tantôt avec le Père, tantôt avec le Fils, tantôt avec les deux. Le signe de la main que les adeptes du culte chrétien faisaient à tout propos représentait la croix sur laquelle le Fils avait été cloué. Ainsi, toutes leurs actions se prétendaient dictées par la volonté de réparer l'ingratitude que leurs ancêtres avaient montrée envers leur Dieu lorsqu'ils l'avaient torturé et cloué sur une croix de bois. Mais dis donc. Mais ça, c'est vrai que ça doit être intéressant quand même. Oui, tous les personnages ont existé, alors oui, forcément. Mais il les met dans des situations. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, c'est un roman qui est. Qui est quand même assez jouissif, non ? Oui, étrange, ouais. Qui sort de l'ordinaire, c'est d'accord. Quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc, Civilisation de Laurent Binet. Eh bien, nous avons presque fini. Bien, nous voici à la fin de ces livres très intéressants. Bien sûr, on peut aussi sortir. Et figurez-vous que le vendredi 15 novembre, 20h30, à la passerelle, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Comédien. Une troupe de comédiens lyonnais arrive à Paris pour présenter son spectacle dans une nouvelle salle. Entre folie douce et folie et douce folie, l'histoire se mêle et s'entremêle. Chacun a le droit d'être, la musique sonne et résonne. Les émotions crépitent et donnent naissance à une jolie pépite à ne pas rater. Et puis mon petit Jean-Pierre, s'il te plaît, les musiques que tu nous as mis aujourd'hui. Ah, bien écoute, on a eu des petits Québécois, on a eu un... bel italien, on a eu un petit peu de tout, puis un petit français aussi. Alors on a eu Sahel, il venait du Québec. Raphaël Gualazzi, lui, bien sûr, venait d'Italie. On a eu Frédéric Doiron, lui aussi du Québec, et puis Kit Francescoli, qui est venu de France directement nous voir. Eh bien, écoute, c'est super. Eh bien, la semaine prochaine, peut-être que nous aurons le retour d'Irène, si elle n'est pas trop près du, je ne sais pas, entre son corps et son esprit. Oh là, j'espère là, qu'elle oui. ne s'est pas perdue. Donc, nous vous souhaitons une très, très bonne semaine avec des bonnes lectures. Soyez heureux, même si le temps devient de plus en plus gris et de plus en plus froid. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, tout le monde. Au revoir, on laisse la place à notre petite... Bien sûr. Violette. Violette pour traditionnelle. Voilà. Au revoir. Bonne soirée.